Allez, ça y est, je me lance et j'arrête de raconter ma vie. D'ailleurs, j'ai même pas commencé, donc je vais pas le faire du tout. Allez, c'est parti. Enregistrement! Chef, chef. Chef, chef. Promettre des choses aux gens pour qu'ils nous aident à reprendre le pouvoir. Faire de la politique, en somme, j'ai raté ma phrase. Faisons Kyle. Je bois avant. Pétons un câble sur Kyle, plutôt. Bienvenue. 4 résultats à la page 21. Ouais, il y a quand même quelques répliques. Hein. Je demande rémunération. Vous est-ce que ça veut dire quelque chose, ça t'en... Non, enfin, qu'est-ce que ça veut dire surtout? Oui. La station essence, pas la station d'essence. Station d'essence. Oui, mais c'est marqué la station essence. Oh, la station essence. Voilà, il va. C'est la première fois que je lui parle, il va croire qu'on est des pervers. Bravo, range ce sextoy. J'ai des concours avec mon autre copain. Oh merde, ça enregistre. J'espère que personne ne saura que j'ai un compte bancaire en Suisse. Mon petit Mathieu. Et plus de la moitié de la population finir par mourir. Et ma voix, j'ai mal à ma voix. Oui, bon, il y a juste ma sœur à la maison, tout va bien. Il y a que elle qui va me prendre pour un fou, tout va bien. Mon vieux, je crois qu'elle commence à t'apprécier. Ah. Prochaine fois, hop, la petite main dans le pantalon. Tu devrais couper ça d'ailleurs. On s'est fait attaquer notre avant-poste, la station essence, les autres trucs. Jimmy est mort. On n'a plus le choix. Il faut qu'on arrive à parlementer avec Burger qui est en train de les faire. Chante la marche nuptiale. Non mais attends. Pa pa pa pa pa pa pa pa. C'est ça la marche nuptiale, hein, il me semble. Pa pa pa pa pa pa. Bon, allez, j'essaie de la faire bien. Tout à fait, monsieur le président-maire. Bob a fini par pousser Owen à bout. C'est pas facile à dire, ça. Ça fait très Wanadu, tout ça. Bienvenue notre... Ah là là, j'y arriverai jamais. Oh non, mais... Je sais pas si tu l'entends le son, mais en fait, il y a un monsieur qui utilise une scie circulaire et c'est chiant. Je crois que je vais fermer la porte encore. La fenêtre, pétard. Il fait chaud après. J'ai pas envie d'avoir chaud. J'ai pas envie. Ah non, j'ai chaud. Je suis en âge. Bref. De toute façon, il te n'aime pas. Le petit salaud! Oh, le fils de con! Au fil des semaines et des mois, j'ai perdu où j'en étais. Oui, c'est dans cette maison gigantesque. Test. Oui, test. 1. 1, 2. Oui, le micro marche, je suis con. Ah merde, j'allais dire la mauvaise réplique, ça fait pas du bien, bon. Putain, ça paraît logique. Non, oh, mais pas comme ça. Putain, ça paraît logique. Mais après, j'ai pas la voix. Bah vas-y, continue. Bah vas-y, continue. Mais je chante. Oui, je chante. Et alors, je chante. Oui, en plus, ça a été correct. Hein. C'était bon. Bon, correct, ça veut pas dire bien, mais c'est déjà ça, j'imagine. Et la dernière, c'est il est essoufflé, et tu sais... il enfin, l'anime voilà, pas, l'enfoiré. Bienvenue dans notre communauté, disciple Bob. J'y arriverai jamais, hein, j'arriverai... Attends, l'autre, Pepso, Piccola. Oh non, j'ose même pas mettre les deux mots dans la même phrase. Chez Momo, vous savez, celui qui faisait les frites à moins 50%, je crois que j'ai repris une voix de drogué. En fait, c'est ça, c'est un personnage qui évolue avec le temps et ma voix. Bonjour, Quand je serai grand, je serai quelqu'un de charismatique. Quoi, de la drogue? Pas du tout comment jouer. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas facile hein, quand tu marques pas d'indication, je suis perdu. Scène 10. 10. Putain, du gant. Les gants box. Poum, poum, poum, poum. Rocky, il a pas mal. Ok, désolé. J'en ai encore trouvé une caisse. Et du coup, je sature. Vous êtes de la police? Okay. Incroyable. Oh, je kiffe encore plus la police que le maire. Oh, t'es de la police, sans déconner. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Oh là là, je me demande de qui vous êtes en train de parler. Dis pas ça devant mes hommes. Oui, voilà, je le répète plusieurs fois. Oui, oui, dis pas ça devant mes hommes. Madame Kékette. C'est très très très moyen comme réplique, hein, quand même. Et puis une famille qui en... C'est quoi? Et puis une famille qui extermine. Et ben voilà, de toute façon c'est pas grave. Ah oui, sauf que maintenant ils parlent fort les voisins parce qu'évidemment, hein, nous quand on fait un peu de bruit, ça y est, c'est la fin du monde. Bande de cons. Chez Bobo. Oui, bah ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. C'est pas peine de se moquer de moi. Le mec il répond au gamin. En fait, il y a son gamin qui rigole. Approchez mes nouveaux amis, agenouillez-vous devant. Non, ça fait mec dans les fêtes foraines. Pardon, j'ai pas mis mon grillage de la bouche. Et puis nous le rappellerait jusqu'à notre mort. Ce qui serait dans pas longtemps d'ailleurs. Nous sommes ici sur ordre du président maire de Big City. Oui. Yeah. C'est bon, je vais pas rallumer mon... Tu sais, il y avait un gros blanc, je me disais merde. Non, c'était bon. Je suis si mauvais que ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, il y a une touche juste à côté d'Enter. Tu appuies dessus, ça te fait un zoom. D'accord. Bon, eh bien, je ne pense pas que nous voulions. Maintenant, je me rappelle sur. Ouais. Effectivement, tout comme. Je suis un peu perdu hein, quand même. Si vous donnez nos gardes en échange de quelques pigeons du gant... Gueux. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Ouais. Il pourrait même le faire avec les gardes de nos corps. Bon. Ah, les hommes. Qu'est-ce qu'ils feraient sans nous? Hein? Par se branler. Arrête de branler. Arrête, Julie. Et qu'il venait nous pacifier. Moi, personnellement, je dis qu'il faut pacifier. Alors, ça va bien, vous, la vie, tout ça, les enfants. Regardez, quand moi je regarde, Marcus, ça ressemble beaucoup à Marx, quand même. Et donc, pour vous, il y a quand même un truc, là. Je vous vois comment vous me regardez, là. Allez, souffle dans le micro, c'est bien, ça, en plus. Vous allez recevoir. Pourquoi recevoir? Il y a marqué avoir. Pourquoi je vais les recevoir? Vous allez avoir des ennuis. Vous savez qui je suis? Hein? Vous savez qui je suis? Je vais vous en faire voir des vertes et des pas mûres, moi. Sais-tu qui? Les meilleurs biscuits apéro. Est-ce qu'elle a entendu ça? Non, elle était partie, c'est trop tard. Ouf. Mon dieu, cette phrase sortie de son contexte est d'une flippante. Juste après, les hommes qui se kifferaient sans nous. Vous avez enfin compris qu'on était dotés d'une bouche? Des dents. J'ai encore perdu ma recherche, c'est pas vrai. Ta-da-da-tam. Burger et Kate. Respiraleton haletante. Non mais attends, j'ai une scène de cul là en fait. Non mais c'est honteux, j'ai jamais fait ça moi. Ah non d'accord, c'est une blague. Je vous fais pas dire hein, parce que quand même... On se trouvera même. Je sais pas quel AC, donc je fais... Hein? Oh. Maman, papa, toast. Putain, il m'a mal visé. Non mais attendez, mais vous foutez de ma... Putain, mais... Attendez, mais on est d'accord qu'il... Attendez, c'est... Vous foutez de ma gueule, mais... Vous foutez de ma gueule, mais... Mais on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul lit, putain! En parlant de ça, on a encore reçu une bouteille de Big... Pas Bit. En parlant de ça, on a encore reçu une bouteille de Big Cola vide. Big Cola vide avec une tête de mort dessinée dessus! Elle a une tête de mort dessinée dessus, tu vois. Ça veut dire que... On va te péter la gueule avec du coca. Ouais, on n'a pas trouvé mieux. Bah, c'est la crise. Tout est dans ma tête, monsieur. Tout est dans ma tête, monsieur. Ma petite tête ici, là. Là, la bande de données cérébrale d'un humain est à vous. Monsieur. Quoi? Eh ben, attends. Non, je... attendez. Il venait nous passer... je sais plus. Je reviens! Et puis un jour, mon oncle Robert a disparu. Putain, Robert! Et puis un jour, mon oncle Robert a disparu. J'ai trouvé sa louche, surtout que sérieux, Robert, c'est un peu un nom de merde. Heureusement que tu ne t'étais fait pas très mal. Heureusement que tu t'étais fait pas. Heureusement que tu ne t'étais fait. C'est pas facile. Je ne sais pas où je suis rendu. Je risque de mourir. Bah oui, je vais mourir, mais c'est long. Quand est-ce que je meurs? Oh, yeah. Vous savez où est Owen? Où est Owen? Où est Owen? Vous savez où est Owen? Vous savez où est Owen? Oh putain, c'est dur. Vous savez où est Owen? Où est Owen? Vous savez où est Owen? Owen. Vous savez. Vous mouillez. Jusque je sors des chiottes, je me suis mal essuyé. Pourquoi vous portez un masque? Et nous massacrerons ceux qui ne voudront pas reconnaître sa supériorité. Putain, bon, c'est mon accent qui ressort. De temps en temps, il faut que je ressorte la boissing. Ok. C'était un rire bizarre. Trop bizarre. Bref. Reconcentration, je crois que j'ai boire un coup vite fait. Waouh. C'est délicieux. C'est tellement délicieux. Bref, on est sorti de l'univers de Big City pour rencontrer un homme dégueulasse qui boit une boisson pétillante. La la la la. La la la la. La la la la la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. La la. Qu'est-ce que vous le... Qu'est-ce que vous le voyez? Pardon. C'est mon accent de la ville. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit et tout le monde est mort. Donc je pense pas. Et il a dit que il venait apporter la paix à Big City et que tout le monde là serait pulvérisé. Voilà. Bon, moi je vais y retourner. Je sais pas. Et ouais, Bob, c'est mon oncle. Grande révélation, mon Dieu, l'épisode 2. Bref. Point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, je vais essayer de le rendre. Voilà, réplique suivante. Vous allez... Vous croyez que vous pouvez vous en prendre à moi impunément? Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que je peux le placer? Très bonne question. James, réponds-moi. Oui, tu peux le mettre. Ou pas, peut-être pas. Oh mon Dieu. Oui, comme ceux qui étaient vraiment restés avec vous, messieurs. Putain, j'adore, j'achète. En plus, il parlait pas du tout comme ça jusque-là. Mais... C'est après, tu fais un background autour de ça qu'en fait, c'est un Allemand refoulé. Mon père était autrichien et je ne voulais pas le dire. Vous êtes un imposteur alors? Putain! Tan-tan-tan-tan! Tan-tan-tan-tan! Tan-tan-tan-tan! J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est un dragon? Ah non, pas du tout. Donc, quand vous allez dans un endroit qui pue... Pardon. Donc, vous, quand vous allez dans un endroit qui pue, vous dégoûte et vous fait... Donc, vous, quand vous allez dans la rue... Non, je... Quand vous allez chez Brefuf et Tuki, vous voulez que je vous y installe. C'est normal, on est sympa, allez. Pa pa pa pa pa. Bonjour à... Oh là là, merde. Et dites-moi pas qu'il est mort comme ça. Ah non, c'est bon. Je pense qu'il serait préférable de mettre au point un plan avant de nous en aller d'ici, monsieur le président maire. Par hasard, ça peut vous sauver la vie. Oh, vous revoilà. Oh, écoute, on trouvera bien quelqu'un d'assez impressionnable pour faire les corvées sans broncher. Au pire, il y a un marché d'esclaves là-bas, on ira voir, d'accord? Pardon. Les poissons, ça me saoule, j'aime pas les gens. Vous allez avoir des ennuis, vous savez qui je suis au moins? Vous savez qui je suis? Je vais vous défoncer votre gueule! Voilà, t'es bien derrière. Je suis mort! Je suis mort! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon téléphone! Génial! Je n'ai pas pu. On finit avec Muffin. Ah oui, c'est une voix comme ça. Non, c'est une voix comme ça. Tu vois, je vais boire un coup parce que j'ai la voix cassée. Allez. Sale traître, méchant. Oh, petit bâtard, va. Oh, vous revoilà. J'ai débauché toutes les toilettes. Je n'ai pas pu prévenir. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. Je reviens. Je me mets derrière la porte. Voilà. Et action. Oh, vous revoilà. J'ai débouché toutes les toilettes. Les toilettes. On parle de mon petit burger. Oh là là. Je trouve que Marcus y rit pas trop, donc... Plutôt... Hein. Vous allez avoir des ennuis. On ne s'offre pas impunément à sa santé, Kevin. Vous savez qui je suis? Je viens de le dire. On est au paradis du Pepso. Oh mon dieu. Bah moi je dilue avec mon moi je dilue mon Pepso avec du Bicola. Et j'agrémente parfois ça avec des solilèges de poulet. Sur ma fesse, j'ai dessiné la tronche de mon père pour pouvoir m'asseoir sur son visage. C'est pas du tout ça. J'aime bien. Je n'ai pas de père. Je me suis porté. Je me suis élevé. Je ne me l'explique pas. Mais foutez de ma gueule. Mais on est à coup. J'y arriverai pas à sortir cette phrase. Est-ce qu'il sait où se trouve notre QG? Réponds-moi ou je vais te foutre une baffe. Au pire, si tu te fais tuer, c'est pas très grave. T'es assez remplaçable, non? Bon, allons attraper des Pokémon. Parce que les sauts, ça va bien 2 secondes, mais c'est dégueulasse! Et inconfortable. Bordel. Ça fait mal aux petites fesses, hein? Je suis une fille. Je suis délicate. Donc ça me fait mal au cul! Tu veux voir des capotes, j'ai rien dit. Reprenons. C'est vrai. Mais c'est génial! Mais ouais, trop mec! Attends, on se fout de leur gueule et ils nous filent du fric et c'est trop des cons! Bah non. Recommençons. Yeah, man! C'est de ma faute! Je n'ai pas pu! Ça, c'est de la phrase! Ouh! Kathleen, bitch! C'est bizarre. Il est tard. C'est bizarre, il est tard, oh putain! Comment? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mon kebab est brûlé. Quoi? N'empêche que Muffin m'avait manqué. Vous voulez échanger les prisonniers contre du Big Cola? Mais attendez, vous êtes conscient que vous êtes complètement con? Sur ma fesse, j'ai dessiné la tête de mon père, pour pouvoir lui faire fermer sa gueule quand je m'assois. Mais c'est pas ça non plus, mais j'aime bien. Aujourd'hui est un nouveau jour, bubble... Bubble... Bubble... Sa sainteté, Kevin. Putain, c'est quoi, c'est un mec de la cité, ça? C'est un DJ? Rappeur, hein. C'est Maître Kevin. Reste ici et admire ton petit frère. Non, mais non, c'est pas moi, ça. N'importe quoi. Oh non! Tan tan tan! Enfin, sauf les trois premières, car il faut fidéliser les clients! Si c'est pas du bon capitalisme, ça! Ouais, je sais, je suis un bon enfoiré! Non! Non, Dark Vador ne peut pas être mon père! Ah, spoiler alert. Bonjour, je suis le papa de Kate. Je suis tellement drôle que Grushkov il se chie dessus. Il y a quelqu'un partout. Showdown, biatch, biatch, biatch. Oh, putain, je l'aime, moi. C'est assez inconvénient, quand même. Ensuite, nous avons sombré dans la folie, hier, costume. Non, mais c'est bon, en fait. Ok. C'était bon. C'était bon. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette huile sur votre corps? Je ne sais pas, elle est apparue là mystérieusement. Pourquoi je suis attaché sur une chaise? Mais pourquoi vous me pincez les tétons? Et pourquoi vous avez un masque de cheval? Et pourquoi il y a de la paille partout? Oh, et puis merde. Lèche-moi. Ah bah c'était la dernière. Ah mais... Je suis libre. Je ne suis plus enfermé par cette par ce texte. Je suis un conseiller libre. Le maître a donné des vêtements à Dobby. Ok, bon, allez, sérieusement. C'était Apollo pour ton enregistrement que je t'avais promis. Avec une qualité... Waouh. Oui, un nouveau micro. Allez, à plus. Disons que ça a déjà été pire.